à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pi pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous parle de parades amoureuses surprenantes, comiques, exubérantes et des trésors d'ingéniosité que déploient les animaux pour trouver leur partenaire. J'aurai ensuite la chance de recevoir Abel Souriau, doctorant au département d'écologie à l'université Charles de Prague en République tchèque. Il vient nous parler de ses travaux sur le chant d'un oiseau loué pour ses vocalises, le rossignol. Bonjour Abel et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Agatha. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Trouver son chacun ou sa chacune fait partie des étapes incontournables de la vie de tout animal qui veut transmettre ses gènes à la génération suivante. Et croyez-moi, les membres du règne animal ne manquent pas d'inventivité pour parvenir à leur fin. Certains se prennent pour Pavarotti et rivalisent d'originalité pour jouer la sérénade à leurs partenaires. Grenouilles, oiseaux, singes, gibbons donnent de la voix pour attirer leurs amoureuses à se joindre à la danse. Certains insectes, comme les grillons et sauterelles, ou encore comme les cigales, se frottent les pattes avec entrain ou font vibrer leurs ailes pour rejoindre ce concert en plein air. Mais tous ne se la jouent pas subtil en matière de chansonnette. L'araponga blanc, un oiseau vivant en forêt amazonienne et pourvu d'une amusante guirlande de peau qui lui pendouille du bec, vient d'être couronné l'oiseau le plus bruyant jamais enregistré. Son nom anglais de bellbird, oiseau cloche, prend tout son sens. Écoutez plutôt. Dans leur article paru ce mois-ci, en octobre 2019, dans le journal Current Biology, les auteurs Jeffrey Podos et Mario Conhaft se sont amusés à suivre le piaf et à mesurer l'amplitude des deux types de cris que vous venez d'entendre. Le premier fait en moyenne 109 décibels et le second, plus rare, n'est produit que face à la femelle et a été mesuré jusqu'à 120 décibels. Une amplitude plus importante que celle d'un marteau-piqueur. Quand le chanteur se lâche et que le cri atteint ses plus fortes amplitudes, il égale le bruit provoqué par un mât de battage, l'engin qui enfonce dans le sol les pieux utilisés pour les fondations de n'importe quelle construction. Balèze. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le mâle pousse son cri le plus assourdissant uniquement quand la femelle vient tout près de lui, au risque d'endommager ses tympans. D'habitude, même les chanteurs les plus enfiévrés réduisent le niveau sonore de leur chant pour ne pas faire fuir les conquêtes potentielles. Mais lui, non. Les auteurs de l'étude ont avoué l'œil goguenard dans un article du New York Times qu'ils n'avaient jamais observé aucun accouplement entre leur chanteur et ses admiratrices. On ne saura donc jamais s'il savait vraiment ce qu'il faisait et s'il avait bien du succès. L'oiseau lyre ou ménure superbe, lui, imite. Et pas qu'un peu. 70% de son chant serait la reproduction fidèle de bruits entendus dans son environnement, réarrangés dans un single inédit. Il chante pendant des heures entières s'il le faut et il imite tout. Les cris de 20 autres espèces animales, oiseaux ou non, ou des bruits bien plus surprenants de son environnement. Jugez plutôt. Dans l'extrait complet de 2 minutes enregistré par Tom Tarrant, disponible sur le merveilleux site oiseau.net et dont est issu ce passage, on reconnaît, outre le pistolet laser, des bribes de chant de 6 espèces d'oiseaux différentes, du jardinier satiné au cacatoès à tête rouge, en passant par les perruches du pénant ou par le petit miro à poitrine jaune. Sur YouTube, on trouve aussi des oiseaux lyres qui imitent des alarmes de voiture, des clics d'appareils photo ou des tronçonneuses. Je vous laisse aller les découvrir. Même si la fonction de ces imitations est encore mal comprise, l'analyse des chants des mâles et leur degré de ressemblance avec ceux qui les imitent nous donne quelques pistes. Il semblerait bien que les femelles préfèrent les mâles qui copient le plus fidèlement possible les bruits entendus et ceux capables d'imiter la plus grande variété de cris différents, comme l'ont suggéré Richard Zahn et Emily Dustin dans leur publication parue en 2008 dans le journal Animal Behavior. Mais certains chanteurs déploient aussi des talents de danseurs pour séduire leurs partenaires. C'est le cas des mannequins. Ces oiseaux forment ce qu'on appelle des leks, ce qui veut dire que les mâles paradent et les femelles choisissent leurs heureux élus. Elles s'occuperont ensuite seules de construire le nid et d'élever les petits. Les mâles, donc, se créent une arène qu'ils nettoient avec la plus grande rigueur. Ils élaguent, enlèvent les feuilles disgracieuses, balayent. Ils aménagent en plein centre une piste de danse à leur mesure et en mettant en avant plusieurs branches verticales semblables à des barres de pole dance. Ils dansent alors de diverses façons, souvent en sautant d'une branche à l'autre et en roulant des mécaniques. Certains, comme le mannequin à cuisses jaunes, font les plus belles heures d'Internet en réalisant une danse qui se rapproche du fameux moonwalk, le pas de danse du chanteur Michael Jackson. Il recule et glisse très vite sur les branches en mini soubresauts très cinématographiques. Les mâles mannequins à col d'or sont quant à eux connus pour leurs parades bruyantes. Ils sautent d'une branche à l'autre pour en mettre plein les yeux à leur prétendante. Mais en plus de cette voltige rapide et acrobatique hautement élaborée, ils produisent avec leurs ailes un claquement sonore bien particulier. Un peu semblable à un claquement de doigts. Je vous laisse écouter. Dans un article publié en 2011 dans le journal Proceedings of the Royal Society B, Julia Barske et son équipe ont filmé ces acrobaties périlleuses et pétaradantes avec des caméras à haute vitesse capables de capter 125 images par seconde, et ils ont pu observer que les femelles attendaient de leur mâle de faire des prouesses physiques extrêmement coûteuses avant de les choisir. Elles arrêtent leur choix sur ceux capables d'exécuter des pirouettes techniques à la fraction de seconde près. Comme elles n'ont que ce court moment de gymnastique intensive pour faire leur choix et sélectionner le meilleur géniteur pour leurs petits, elles n'ont pas d'autre choix que d'avoir des critères plutôt élevés. Un jury implacable et exigeant. Mais c'est pour la bonne cause, la survie des oisillons en dépend. Un autre oiseau bien différent s'illustre par une parade qui allie des performances visuelles et vocales plutôt atypiques. L'outarde ou bara. Ce grand oiseau, au long cou, perché sur de hautes pattes, tout de beige vêtu, vit dans le désert du Sahara. Les mâles arborent autour du cou une collerette de grandes plumes blanches sur un poitrail noir du plus bel effet. Et eux aussi, ils forment des leks. Chaque mâle a son terrain de parade et il y reste fidèle, parfois pendant des années. La parade du mâle, très stéréotypée et millimétrée, se déroule en trois étapes. Petit 1. Le mâle parade, la tête et le cou bien dressés, toutes ses plumes ébouriffées à leur maximum, fier et beau comme un camion, il marche au pas de manière à ce qu'on le voit bien. Puis, petit 2, tout à coup, il se met à courir en 8, en cercle, en zigzag, en ligne droite, avec un rythme effréné pendant plusieurs secondes. Ce faisant, il bascule brusquement la tête, le cou rabattu en arrière sur son dos, toutes les plumes blanches sorties, ce qui donne l'impression d'être une sorte de plumeau sans tête, courant n'importe comment. Et petit 3, après cette course en tous sens, l'oiseau redevient immobile et fait boum. Oui, parfaitement. Alors qu'on a longtemps considéré les outardes ou baras comme muettes, les mâles se la jouent en vérité ventriloques et produisent ces sons appelés boum. Écoutez plutôt. Clément Cornec et son équipe a détaillé les caractéristiques de ces sons bien particuliers dans un premier papier paru en 2014 dans le journal Ethology. Tout en gardant le bec bien fermé, les mâles Oubara produisent un son de très basse fréquence d'environ 46 Hz, ce qui sort carrément de l'ordinaire pour un oiseau. En produisant ces booms très graves, ils s'assurent de porter le message à longue distance, et c'est plutôt efficace. Les booms se propagent dans le désert à plus de 600 mètres. Et ils permettent non seulement de donner des infos aux femelles qui viennent choisir un amant, mais aussi aux mâles qui peuvent ainsi s'évaluer entre eux. Un second papier publié par les mêmes auteurs en 2015 dans le journal Animal Behavior révèle que les mâles étudiés en captivité adaptent leur comportement selon les booms qu'ils entendent. Quand ils entendent des booms graves, potentiellement émis par des mâles plus costauds, les receveurs courent plus longtemps et booment moins. En rallongeant la durée de leur jogging, ils bluffent et tricheraient ainsi sur leur réelle capacité physique. Habile. Athlètes, danseurs, mélomanes, les séducteurs en font des caisses et redoublent d'efforts pour prendre dans leur filet des femelles qui n'attendent que d'être charmées. Quitte à les assommer de vocalises un peu brutales ou à leur pétarader à la face. La musique adoucit les mœurs. Ou pas. revoici avec notre invité Abel Sourio, doctorant au département d'écologie à l'Université Charles de Prague. Il étudie au cours de sa thèse l'évolution et les fonctions du champ mixte chez deux espèces de rossignols. Alors, avant toute chose, le chant des oiseaux, ça fait rêver les poètes, ça titille les rêveurs, mais à quoi ça leur sert en vérité ? Alors, un peu comme on a pu évoquer plus tôt, le chant chez ces espèces s'est développé sur une diversité vraiment, vraiment impressionnante. Et ça va servir différentes fonctions. Les fonctions principales qu'on connaît, en tout cas pour ces espèces à grande complexité, ça va être toujours centré sur la reproduction. Donc draguer. Pas que. Il va y avoir deux grandes composantes, on va dire. Dans la plupart des cas, alors pas toujours, bien sûr, mais dans la plupart des cas, des espèces qu'on étudie, on va avoir un mâle qui va chanter énormément, durant en général une saison de reproduction, en tout cas sous nos latitudes. Et cette fonction va permettre d'un côté de défendre un territoire, donc une sorte de compétition entre les mâles, qui chantent le mieux, qui chantent le plus fort, hein, tout dépend après des espèces comme on a pu le voir. Mais également, effectivement, ce qu'on appelait la sélection sexuelle, c'est la préférence des femelles, choisissant le mâle le plus performant. Là encore, tout dépend de ce que la femelle préfère. Hein. Ça peut être des choses très variées. Donc dans ce cas-là, voilà, ça peut être aussi pour séduire la femelle. Mais il peut y avoir beaucoup de fonctions aussi derrière. Et on va voir sur d'autres espèces, en particulier sur d'autres latitudes plus tropicales, le chant peut aussi avoir des fonctions plus sociales, plus de cohésion même d'un couple, si le couple reste ensemble longtemps. On peut avoir des oiseaux qui vont faire des duets. Avec mâle et femelle chantant ensemble. Donc c'est un duo, ils chantent en même temps, c'est ça? Oui, ouais, y a des chants qui sont vraiment impressionnants parce qu'à l'oreille humaine, on ne va pas entendre la microseconde entre les deux parties. Pour nous, c'est un seul chant d'oiseau, mais quand on voit en détail, c'est effectivement mâle et femelle ensemble qui vont faire la performance. Quoi. Ok, impressionnant. Et du coup, ce chant d'oiseau, donc on en parle, qu'est-ce qui le caractérise? Parce que les oiseaux peuvent produire aussi des cris, enfin, il y a plein de vocalisations différentes. Est-ce qu'il y a une structure qu'on retrouve chez un chant d'oiseau? Alors, encore une fois, la variété est extrêmement large selon la famille d'oiseaux qu'on considère, selon même l'espèce au sein d'une même famille. Ce qui va caractériser beaucoup d'espèces, c'est la diversité ou l'exagération d'un trait particulier. Donc, si on part d'une espèce qui ne va pas être très musicale pour nous, en tout cas, comme l'outarde, comme on a déjà entendu, comme le kakapo fait la même chose en Nouvelle-Zélande. Avec des booms. Ouais, c'est quelque chose de très fonctionnel, mais c'est quelque chose aussi de difficile à produire. Il y a cette idée-là, toujours, finalement, de signal de qualité. Si on veut produire quelque chose de difficile, c'est qu'on est un peu meilleur que les autres. Donc, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'énergie, plus de succès, ce qu'on est. Voilà. Dans le cas, en général, de ces gros sons, comme c'est le cas pour certains autres sons chez des petits oiseaux, par exemple, il va y avoir une sorte de résonance du corps qui fait que ce son-là ou ce chant-là va refléter en fait la taille du mâle. Et comme chez beaucoup d'espèces, et même chez l'homme, je pense que ça a été montré, la taille chez le mâle est un signal de qualité assez fort et va être préféré chez les femelles. Chez d'autres espèces, ça va être des choses totalement différentes, comme par exemple la diversité du chant qu'on peut produire. Ou est-ce qu'on est capable de passer d'un chant très, très aigu, très haut, à la limite de ce qu'on peut entendre un chant très bas, oui. Donc une sorte de virtuosité qui, pour nous, pour le coup, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus musical, ouais. Mais ça demande beaucoup d'efforts, et c'est ça qui, finalement, va être un indicateur pour la femelle de se dire, bon, celui-là, c'est un bon mâle. On pense qu'il peut y avoir, de toute façon, des coûts de développement, par exemple, du cerveau. C'est une preuve d'intelligence que d'être capable, déjà, de pouvoir produire des sons si différents, ou de coordination des cordes vocales, par exemple. Mais ça peut aussi, d'ailleurs, rejoindre tout ce qui est imitation, parce qu'un oiseau qui est capable d'imiter énormément d'autres espèces, ça peut refléter aussi cette intelligence, cette qualité-là. Donc vous parlez d'intelligence, ça veut dire que quand l'oiseau chante, c'est pas du tout automatique, c'est quelque chose qui travaille, qui l'apprend au fil de sa vie. Comment ça se passe au final? Le bébé oiseau arrive, pouf, il a déjà son chant tout prêt? Ou alors ça peut arriver, mais c'est pas vraiment la règle. En particulier pour les chants qui sont vraiment complexes, comme on peut l'imaginer, il faut que ça mette en place aussi un ascendant apprentissage, des structures physiologiques, des structures neurologiques même du cerveau, donc assez poussées. Dans le cerveau, il y a une zone pour le chant? Il y a plusieurs. Il y a pas mal d'études, je ne vais pas m'étendre trop sur la neurologie, c'est quelque chose d'un peu plus... Ça mérite un podcast à part entière. Mais en gros, on a trouvé effectivement chez notamment les oscines, ce qu'on appelle les oiseaux chanteurs. Donc ça va comprendre le merle qu'on connaît, au moineau, voilà, en général des petits oiseaux qui ont des chants assez complexes. On a montré effectivement que ces zones du cerveau-là, il y a un noyau central du cerveau qui va vraiment se développer à différentes phases. Et ça va aller de concert, en fait, c'est le cas de le dire, avec certaines capacités, en fait, de production du chant, de vocalisation. Donc, on peut suivre comme ça, en fait, les moments où l'oiseau va plutôt entendre les chants, donc l'oisillon, hein, on imagine un oiseau dans le nid. Ça a été montré chez certaines espèces, même un oisillon dans l'œuf. D'accord. Va pouvoir déjà entendre des choses, comme un bébé dans le ventre d'une mère. Les chants de ses parents. Va entendre... alors, tout dépend. Chez certaines espèces, plutôt le père qui va chanter. Des fois, non. Des fois, c'est aussi le chant des voisins. Il y a des oiseaux qui vont choisir un tuteur qui n'est pas les parents. Et ce tuteur-là va, par exemple, être leur cible d'apprentissage. Et ils vont essayer de copier cet oiseau-là quand ils seront un peu plus vieux. Donc, il y a une première phase de sensorielle, plutôt, où l'oiseau va entendre, mémoriser. Ça va aussi pour la femelle, qui pourra après décider ou pas si elle aime bien cette chanson-là plus tard dans sa vie, en fonction de ce qu'elle a appris plus tôt. Et en général, donc plutôt les mâles, si c'est eux qui vont produire le son, ils passent par une seconde phase, donc qui est plus sensorimotrice, où, comme n'importe quel humain finalement, apprendre à chanter, apprendre un langage, il va s'écouter lui-même produire ces sons-là, et essayer de corriger petit à petit pour arriver à un son presque parfait. Et comme ça, on a des oiseaux, comme le rossignol par exemple, qui vont partir vraiment de rien. Si on isole un rossignol, on va dire, à sa jeune enfance, cet effet sur les pinsons, par exemple, on les isole sans environnement sonore, sans personne de leur espèce, ils ne vont pas pouvoir chanter du tout une chanson correcte. S'ils n'ont personne pour leur montrer, voilà, ils ne peuvent pas apprendre. Dans ce sens-là, il y a vraiment des parallèles avec le langage humain. Oui. Et une fois, par contre, qu'ils vont passer par toutes ces phases-là, en une saison, ils devraient être capables, au printemps prochain, de chanter vraiment quelque chose de parfait, extrêmement virtuose, qui pour nous, c'est quelque chose de merveilleux, parce que c'est un tout petit oiseau avec un tout petit cerveau tout compte fait en taille. Mais ça veut dire que ce chant, est-ce qu'ils le perfectionnent? Est-ce qu'ils s'améliorent d'année en année? Ou est-ce qu'une fois qu'ils ont copié, on va dire, le chant de leur tuteur, ils gardent le même? Alors ça va dépendre. ça dépend notamment de l'espèce, et très certainement finalement de ce qui est attendu comme performance du mâle. Donc on peut retomber dans cette idée de sélection des femelles. Mmh. Certains oiseaux, comme j'ai pu l'évoquer plus tôt, en fait, certains vont avoir un chant assez inné qui ne va pas beaucoup évoluer. Certains, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'une vraie grande expérience, une vraie diversité autour d'eux, vraiment à développer. On va se retrouver donc avec des espèces qui vont arrêter, cristalliser, en fait, on appelle ça un chant à l'âge adulte, et ne jamais vraiment le modifier. Mais on se rend compte que beaucoup d'espèces sembleraient capables, en fait, de réapprendre tout au long de leur vie des chansons. Et ça pourrait donc donner lieu à des phases un peu de réapprentissage, où à nouveau, finalement, aussi au niveau du cerveau, des choses vont se passer en termes de plasticité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier des parties physiques, physiologiques du cerveau, pour finalement modifier la mémoire, modifier les capacités à chanter. Ça veut dire que sur une même saison, quand l'oiseau apprend, ou en tout cas fait de nouveaux tests au niveau de son chant, ça va avoir des conséquences sur certaines zones de son cerveau. Enfin, son cerveau va changer en taille selon la saison, quand il travaille ou non son chant. Ça a été montré, il y a toujours un peu de débat là-dessus, mais ça a été montré chez pas mal d'espèces, dont le canari, il me semble, en captivité. En fait, c'est aussi la limite, c'est que dans la nature, capturer un oiseau, mesurer le cerveau, etc. C'est un petit peu compliqué. On n'a pas encore le matériel pour ça, pour faire ça de manière simplement. Mais en captivité, ce qui est très bien, c'est qu'on peut suivre les mêmes individus dans des conditions très contrôlées. Mm. Et on peut avoir accès au cerveau par plein de petites gadgets technologiques, on va dire. Ça a été montré effectivement que certaines zones vont plutôt s'atrophier, donc s'hypertrophier selon les fonctions. Il y a tout porte à croire, on n'a pas la preuve encore, mais tout porte à croire sur mes oiseaux, donc les rossignols, qui a aussi ce phénomène-là. Et on voit notamment dans la nature des oiseaux qui sont capables, année après année, en revenant de migration, de revenir sur les mêmes territoires avec les mêmes voisins. Ils vont être capables donc de chanter des chansons comparables à celles des voisins, et c'est une composante importante en fait de leur communication. Mais on évoquait aussi tout à l'heure le fait que les jeunes femelles entendaient aussi les tuteurs chanter. Alors, la grande question, parce que là, dans la chronique, on parlait que de mâles qui roulent des mécaniques, mais est-ce que les femelles chantent aussi? Alors oui, d'ailleurs, je préconise qu'on fasse un podcast là-dessus. Parce que sur les femelles. Oui, c'est dans l'air du temps, même dans la société humaine, quelque part, en fait. C'est vrai qu'on a une sorte de biais là-dessus, parce que beaucoup de mâles, par sélection simplement naturelle ou sexuelle, vont être ceux qui sont mis en avant, ce sera les plus bruyants, avec ce sera les belles couleurs, bien sûr. On se rend compte dans les musées, notamment en ce moment, que beaucoup d'espèces sont répertoriées comme étant juste avec les mâles, parce que c'est ceux qu'on a capturés, si joli. On avait le choix. Il y a toute une partie de la diversité, une partie de la biologie qu'on redécouvre un peu, parce qu'on l'avait un peu mise de côté. Il se trouve que beaucoup de femelles chantent, alors, sans évoquer les espèces qui sont du côté tropical, où là, il n'y a pas forcément de dimorphisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de plumage, de physique, couleur. Physique, ouais, les deux sont identiques. Entre mâles et femelles. Donc souvent, les rôles sont d'ailleurs comparables. Mais on se rend compte que beaucoup de femelles chantent éventuellement aussi du côté de nos latitudes, donc côté plutôt tempéré, à savoir que c'est peut-être pas non plus les grands, sans parler de lac, mais les grands concertos qu'on peut avoir d'oiseaux au printemps, mais il y a des chants un peu plus doux qui peuvent intervenir entre la mère peut-être et les petits, entre finalement la femelle et le mâle. Donc il y a sûrement des fonctions, tout simplement parce qu'on n'avait pas un micro avec une très haute sensibilité. Donc. De plus en plus, oui, on en découvre. Il y a des grands projets qui sont en cours. Pour enregistrer les femelles davantage. Ils sont justement en train de se focaliser là-dessus. Après, il y a des espèces où, c'est quand même le cas, très clairement, évidemment, le mâle donne un gros effort. Comme on l'avait dit, il fait le plus de bruit. De roulage de mécanique. Donc, ce biais vient aussi sans doute de là, c'est qu'il y a un petit contraste chez certaines espèces. Mais par exemple, chez nous, là en France, il y a des femelles d'espèces qui chantent ou... Alors oui, et notamment, il y a des choses qui sont assez bien connues, tout ce qui est le rouge-gorge notamment. D'accord, les deux chantent. Et parce que là, il y a une vraie fonction derrière. Alors, on parle de chant juste pour la reproduction, mais ce n'est pas forcément que ça. Quand je parlais de territorialité pour les mâles notamment, et il se peut que le territoire soit aussi évidemment pour l'accès aux ressources en termes de nourriture. Nourriture, oui. Abri. Donc on ne veut pas que. Oui. Donc, donc normalement pour l'hiver, en fait, normalement au printemps, le mâle va chanter pour le territoire de reproduction et pour attirer les femelles, toujours. Mais dès que l'hiver vient, et en fait là on commence à les entendre depuis quelques semaines, les femelles se mettent aussi à chanter. Et là, la femelle va normalement plus tolérer d'autres individus autour, à savoir les autres mâles, etc., et femelles. Puis les rouges-gorges, ils sont un peu vindicatifs, ils n'aiment pas trop partager leur espace. Tout ce qui est très petit oiseau, ils sont surprenamment agressifs, même si le chant est magnifique pour nous. Ouais. Et donc, ouais, vous entendrez très facilement un son très flûté, très aérien, très joli, dès tôt le matin. Et ça pourrait être une femelle comme un mâle, par exemple. On vous laisse gazouiller et chantonner, gai comme des pinsons, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus FM. Morning starts with a pill. Its peak. All the women I meet are tired. They just kick up their feet prior to my sudden dawn. Sudden dawn. Steady while holding you all. C'était Every Woman de l'artiste Vagabond. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pi. Et je reçois aujourd'hui Abel Souriau, doctorant au département d'écologie à l'université Charles de Prague. Il étudie les fonctions et l'évolution du champ mixte chez deux espèces d'un zoo bien particulier, le rossignol. On l'écoute. Donc le chant du rossignol qui rappelle les après-midi bucoliques à la campagne. Alors le rossignol, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui? Qu'est-ce qu'il y a de particulier cet oiseau? Alors là en fait je vais travailler sur deux espèces différentes. On va avoir le rossignol philomèle, celui qu'on vient d'entendre, qui est au sud de l'Europe, celui qu'on a communément en France, qu'on entend au printemps. Et le rossignol progné qui est en fait son espèce sœur, qui vit plutôt au nord de l'Europe, qui le remplace là-bas. Alors on va réécouter juste pour être sûr, donc le rossignol progné, c'est ça. Et le rossignol philomèle, c'est ça. Et du coup, ces deux espèces de rossignols, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, finalement? Alors, elles ont énormément de choses en commun. J'ai mentionné que c'était des espèces sœurs. En fait, c'est, il faut imaginer, durant la dernière glaciation. Donc, il y a quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années. Il y a pas mal de temps. Ouais. si je ne me trompe pas, c'est dans la 1,8 million d'années, déjà. D'accord. Il y avait déjà un petit réchauffement un peu différent qui s'est déclenché à cette époque-là. Très différent de maintenant, mais quand même. Il faut imaginer qu'il y a des zones refuges où certains oiseaux, donc l'ancêtre de ces deux rossignols, ont pu survivre là-bas. C'est des oiseaux plutôt insectivores, donc voilà, ils ont quand même besoin d'un climat, d'un écosystème particulier. Lors de la fin de la glaciation, ces deux espèces-là se sont donc séparées, deux populations sont séparées, et par ce processus en fait d'évolution, on a eu deux espèces qui sont vraiment, vraiment identifiées différemment. Donc l'une est partie par le nord, qu'on a retrouvée plutôt donc, sur des climats plutôt frais, plutôt humides. Ça se sent dans les préférences maintenant toujours de l'espèce du nord, le progné. Et l'autre espèce est partie au sud, donc on va retrouver cet oiseau-là du Moyen-Orient à la Méditerranée, mais même un peu plus haut en France. Ils ont gardé en fait de cette époque-là des, plus ou moins les mêmes niches écologiques. On entend par là donc, les préférences pour l'habitat, ils vont aimer les mêmes buissons, des zones assez fermées, un peu broussailleuses. Ils vont préférer une alimentation plutôt basée sur les insectes, c'est des petits insectivores. Mais aussi, de temps en temps, ils vont aller gober des baies, des choses comme ça. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que, évidemment, avec cette recolonisation qui a commencé il y a très longtemps, on a des zones en Europe, plutôt en fait une ligne qui part de l'Allemagne plutôt vers la mer Noire, où les deux espèces, les deux populations finalement d'espèces sœurs vont se rencontrer. Et après tant de millions d'années d'évolution en fait en parallèle, sans vraiment se croiser, on se rend compte qu'ils ont des préférences semblables, donc il va y avoir un peu de friction entre elles pour les ressources qu'elles aiment, donc le même habitat pour se reproduire, les mêmes nourritures. Un peu de castagne. Un peu de castagne, mais pas que. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que durant tout ce temps-là, au-delà de l'aspect physique, là, les préférences qu'ils peuvent avoir, le champ évolue de son côté. Comme on l'a mentionné plus tôt, en fait, le champ est vraiment appris de manière culturelle, donc transmise d'un individu à l'autre, comme un langage pour un humain. Ce qui veut dire que ça c'est un peu, alors bien sûr c'est toujours en lien avec les gènes par rapport aux préférences d'apprentissage, mais c'est aussi une évolution qui se fait peut-être pas sur la même temporalité, donc ça peut être un peu plus rapide, ça peut, sur un épisode d'isolation de population, on peut avoir des dialectes qui vont se développer, donc voilà. Donc ça veut dire que dans une même espèce d'oiseau, par exemple si on prend le progné, ceux qui vont vivre dans un coin de l'Europe n'auront pas le même champ que ceux qui vivent à 300 km des autres. Alors c'est le cas pour certains oiseaux, donc beaucoup d'espèces, ça va se sentir notamment sur les petites phrases terminales. La fin du champ. La fin du champ, voilà. Ouais. C'est une petite signature qu'il laisse à la fin. Certaines espèces, ça sera autre chose, mais là par exemple, je suis en train de penser en France, le bruant jaune fait ça énormément et ça nous permet de faire des cartes entières de l'Europe, à savoir où commence un dialecte, où il s'arrête. D'accord, mais par exemple à l'échelle d'un pays, ça peut être différent entre le nord et le sud de la France ou c'est déjà trop près? Il faut plus de distance. Alors, ça va dépendre, en général c'est assez courte distance. Évidemment les oiseaux ne vont pas suivre vraiment la frontière officielle, hein. On s'imagine bien. Mais il suffit qu'une population soit juste un peu plus recluse qu'une autre, à savoir que le jeune de cette population-là ne va pas apprendre des chansons pareilles lors de sa première, finalement, première saison que celle d'à côté. Donc l'exemple du progné, c'est vraiment clair. on peut savoir à déjà 10-20 km qu'il y a une petite variabilité du champ qu'ils produisent. Si on fait 100 km, on trouve une autre population de prognées. On va tout d'un coup sentir qu'il n'y a pas les mêmes syllabes à l'intérieur de la phrase du chant. Donc c'est très caractéristique. On pourrait même suivre des individus basés sur le répertoire de chants, donc la quantité de chants qu'ils peuvent produire, la diversité de chants qu'ils connaissent. Sur une saison, par exemple, on peut évidemment voir à quel point il partage son dialecte avec les voisins. On peut même prédire si un oiseau est un immigré récent dans une autre population ou si un oiseau s'est un peu perdu en migration. Et on peut carrément avoir l'histoire de vie de l'oiseau juste avec son chant. Ça reflète en partie. Alors, c'est très dur d'extrapoler, bien évidemment, mais chez des espèces comme le pipite des arbres, ça a été montré. Ils ont fait une étude comparant, par exemple, le marquage avec des bagues, qu'on fait très souvent, qui sont très voyantes et qui peuvent poser éventuellement des petits problèmes aux oiseaux de temps en temps. Avec le chant lui-même, l'identification par le chant, il y a des résultats très probants qui montrent qu'on peut vraiment le suivre de manière extrêmement précise, là, comme ça, sur plusieurs années de migration, donc des choses assez chouettes. Pour répondre à votre question, plus directement, ce qui est intéressant voilà, pour nous, on fait un peu de bioacoustique, donc on étudie les vocalisations animales, c'est de voir donc qu'est-ce qui va arriver à ces oiseaux qui se re-rencontrent, ces deux espèces sœurs qui se rencontrent à nouveau en Europe. À cette fameuse frontière, quoi, où les deux espèces peuvent se croiser. Ce qu'on appelle une zone de sympatrie où les deux espèces se mélangent, en fait. Il va y avoir donc un peu de compétition par rapport à l'habitat, comme on l'a dit. Mais en termes de chant, il va aussi intervenir quelque chose de très intéressant pour nous. C'est qu'une des espèces, en l'occurrence le prognée, va copier le chant de son espèce sœur. Donc on n'est pas sur une imitation qui est extrêmement... on va dire artistique, extrêmement large, comme on a pu voir sur l'oiseau lyre, qui est un exemple délirant, vraiment. On est vraiment sur une imitation qui est très, très dirigée vers un oiseau qui est vraiment très proche, très semblable. Et c'est ce qu'on va appeler le chant mixte. Donc, de temps en temps aussi, il y a d'autres exemples assez rares dans la nature, mais ça arrive. Donc, c'est uniquement, excusez-moi, le prognée qui copie le phylomène. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et là, c'était une grande interrogation, parce que, évidemment, s'il y a une fonction derrière, on se dit, ou si c'est une erreur, hein, on ne sait pas. On se dit que c'est un mélange, il se trompe. Et non, il y a vraiment une seule direction. Donc, on imagine qu'il y a une sorte de processus de sélection derrière, ce qui impliquerait qu'il y ait une sorte de fonction de ce champ-là. Et c'est ce qu'on a essayé donc, d'étudier durant ces dernières années. Alors, la grande question maintenant, c'est comment est-ce que vous faites? Parce qu'on se dit, il y a une zone quelque part dans les plaines européennes où il y a deux espèces de rossignols qui se croisent. Comment est-ce qu'on fait pour attraper les oiseaux, identifier les champs, etc.? En vrai, comment est-ce que vous vous y prenez pour mesurer tout ça? Alors, avant tout, il faut documenter tout simplement ce que les oiseaux chantent. Donc, on va se baser sur des catalogues, en fait, des chants de diversité qu'on peut connaître. Et tout simplement, la science, avant tout, c'est de la logique. Donc, on va essayer de tester une idée particulière, une question particulière, une hypothèse. Dans mon cas, on a essayé de tester donc, si ce chant-là pouvait servir sur les interactions territoriales. Il fallait donc aller sur le terrain. Pour ma part, on a une population qui est assez stable en Pologne. On trouve les deux espèces. Et donc, on va tout simplement mettre l'oiseau en situation de réagir à ce qui se passerait s'il est en face à un chant de son espèce, à un chant de l'autre espèce, ou à un chant justement mixte entre les deux. Donc, en leur diffusant des sons, l'idée, c'est ça? Voilà. Donc, il faut bien évidemment tout mettre en place pour que ça soit le plus proche de la réalité possible. Donc, en fait, on simule une interaction territoriale avec une intrusion. Alors, on a un haut-parleur qu'on essaie un peu de camoufler. On va mettre en haut de ce haut-parleur, en fait, un petit oiseau empaillé. D'accord, pour qu'il ait vraiment l'impression qu'il y a un autre oiseau qui rentre chez lui. Littéralement, il y aura l'oiseau. Alors, bien évidemment, il ne va pas bouger, réagir. Il ne va pas sembler vivant sur le mouvement. Mais le chant, plus finalement la présence très réaliste de cet oiseau-là, souvent, il n'en faut pas plus pour l'oiseau, pour vraiment être provoqué, pour vraiment réagir. Donc, notamment, on a fait ça avec des rossignols philomèles. Et on a essayé donc avec, à chaque fois, l'oiseau empaillé correspondant à simuler un intrus en fait, de son espèce, un autre philomèle, qui chantait vraiment que du rossignol philomèle. On a essayé donc avec un autre oiseau prognée, empaillé, pour chanter l'espèce d'à côté. Et ensuite, on a essayé une troisième fois avec le chant mixte. Et voir à quel point l'oiseau va réagir. Est-ce qu'il va essayer d'attaquer la même chose? Est-ce qu'il va... Bien sûr, évidemment, il va chanter pour essayer d'engager une sorte de duel de chansons. Alors, t'as rien à faire là, c'est sur mon territoire, etc. Voilà. Ouais. Mais évidemment, c'est un rôle très symbolique et c'est évidemment en général aussi pour éviter des conflits trop coûteux pour tout le monde. On ne veut pas vraiment se battre, on veut se mettre en scène pour voir qui est le meilleur et pour ne pas perdre du temps non plus. Oui, et donc on a fait ça avec une trentaine de philomèles. Donc pour voir si vraiment ce chant-là changeait quelque chose en fait à cette histoire-là. Et alors, comment est-ce qu'ils réagissent, les oiseaux, quand on leur diffuse donc soit du philomèle, soit du progné, soit un champ mixte? Alors, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir qu'une espèce est plus petite que l'autre, donc c'est le cas du philomèle qui est... Il est plus petit que le progné. Il est réputé pour être plus agressif. Envers sa propre... Ah oui, vraiment. On retourne un peu sur cette idée-là. Même les tout petits oiseaux doivent compenser quelque part. C'est une période de l'année, imaginez bien, ils rentrent de migration. Ils ont pu survivre à tout cela. Ils sont sur une période assez courte où il faut vraiment avoir le meilleur territoire, la femelle qu'il faut. Après, la saison va passer. Après, ça sera donc trop tard pour se reproduire. Donc, il y a une énorme pression sur les oiseaux durant cette période-là, ce qui fait qu'il y a une énorme compétition, en fait, qui va vraiment sortir de cette situation. Et notre oiseau va donc donner tout ce qu'il a en chant. Et c'est une espèce, il faut imaginer, qui chante le jour et la nuit. Évidemment, ils font deux, trois petites pauses entre deux. Hein. Mais il est connu pour ça, d'ailleurs. Ce côté poétique aussi, c'est que toute la nuit, il va chanter. Ce qui est moins poétique, c'est qu'il va chanter vraiment à tue-tête. Il va hurler pour attirer les femelles qui passent en migration dans le coin. Il va vraiment hurler pour montrer sa force, montrer sa qualité face aux autres mâles. Donc, c'est quelque chose d'assez... d'assez épique peut-être, d'assez poétique, mais d'assez violent, quelque part. Et voilà, donc notre philomèle, en fait, étant d'une taille un peu plus moindre, ce qu'on a pu observer en tout cas sur le terrain pour l'instant, c'est qu'il ne va pas engager physiquement des combats avec le progné. Le progné est un peu plus large, il a plus une tête de merle. Néanmoins, comme c'est une espèce qui est déjà très agressive, on a réussi donc à retrouver cette agressivité contre sa propre espèce. Il va quand même... réagir à la territorialité, c'est intéressant d'ailleurs pour le progné, c'est-à-dire il ne va pas le considérer comme une autre espèce annexe comme n'importe quelle autre espèce autour. Il sait que c'est une compétition. Il va quand même réagir, donc il va s'approcher de là où on joue le son. Il va en général bien prendre son temps, bien regarder. Il va chanter directement à quelques mètres, hein, depuis le buisson, sur le empaillés. Sur les empaillés, oui. Mais il va se contenter de ça. Il ne va pas sortir, il ne va pas faire des petits bons tours en plein air, parce qu'il y a déjà une prise de risque. C'est quand même dangereux. Ouais. C'est un petit oiseau, voilà, il y a des prédateurs partout autour. Alors que sur sa propre espèce, la testostérone sans doute parle dans son cerveau. Il n'y a pas de limite. Il sort, il va voler au-dessus pour menacer. Quand ce n'est pas suffisant, on a des oiseaux qui atterrissent sur le empaillé, toutes griffes dehors, qui vont essayer de plumer le dos, qui vont... Ah ouais. Ils ont un bec très très pointu, ils vont essayer d'attaquer la gorge. Ah, directement. Moi, donc j'ai eu un... Malheureusement, c'est... Ça, c'est rare à trouver. J'ai un oiseau empaillé qui a été décapité comme ça par un oiseau très énervé. Mais voilà, c'est que contre sa propre espèce, contre l'autre non. Ce qui est intéressant pour le champ mixte, c'est qu'on va avoir une réaction qui est aussi en fait très forte, mais qui va, pareil, ne pas partir en confrontation physique. Donc pour ce qui est vraiment du côté, on va dire, violence physique directe, aller vraiment sur le combat, ils vont rester vraiment comme si c'était l'espèce, donc ils reconnaissent très bien l'espèce adverse. Et d'un autre côté, au niveau du chant, on se rend compte que les composantes du chant, ce qui est la longueur du chant, la fréquence, des choses comme ça, quand on les résume par une analyse de composantes, on va avoir en fait une réaction plus forte de contre-chant. C'est-à-dire que l'oiseau va quand même monter dans les tours, si on peut dire l'expression. Donc quand il y a un chant mixte, il va se chanter plus fort, presque. Il chante plus, il réagit plus, ouais. La territorialité est plus, voilà, plus importante. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir sur le long terme. Bien sûr, là, c'est une intrusion, donc c'est juste une interaction un oiseau sur un oiseau. Sur le plus long terme, ça veut dire que la territorialité est plus marquée. Une fois que ce conflit-là est réglé, les oiseaux vont rester en fait toute la saison avec toujours des conflits. Mais en général, ils vont garder leur territoire, les voisins vont se connaître entre eux, ils vont chanter des chansons justement qui se correspondent. Et ça tient une hiérarchie qui est fonctionnelle pour tout le monde, qui sera dans l'avantage en général donc, du dominant. Mais ça veut dire que il n'y a plus de conflits inutiles, il n'y a plus de... Chacun a accès à ses ressources et voilà. Chacun a raison de son coin et finalement, il ne se tape pas dessus, quoi. Bah, un peu, mais voilà. Pas trop, Chacun a sa place et c'est un système qui marche, en fait. S'il n'y a pas cette agressivité-là, comme on a de temps en temps entre les oiseaux un progné, un philomèle qui ne se connaissent pas trop, qui sont un peu confus, on va avoir des oiseaux qui vont avoir des territoires qui vont se superposer. Et là, il y a beaucoup de problèmes parce qu'au jour le jour, les oiseaux tombent l'un sur l'autre, il y a des combats beaucoup plus fréquents, il y a bien évidemment... Et au niveau du chant, ils ne vont pas avoir les mêmes... Enfin, imaginez, ils vont avoir la même tribune. Donc, c'est compliqué aussi pour les femelles. Voilà. Donc, on pense qu'à long terme, en fait, c'est une façon de beaucoup mieux définir le conflit pour les territoires et finalement d'agir sur un système complet où les deux espèces intègrent cette compétition à leur territorialité. Donc, voilà. Chanter mixte, quelque part, c'est une forme diplomatique de mieux répondre à l'adversaire. Mais de son espèce aussi, donc de l'autre espèce en particulier. Un peu comme une sorte de négociation. Musclé, mais oui. Musclé. Et musical. Alors, on le disait rapidement, le rossignol migre. Il va passer une partie de son temps en Afrique. Alors, je me demandais, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui se passe dans sa vie quand il est en dehors de nos latitudes européennes? Oh, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur l'autre côté de la pièce, on va dire, du rossignol. Au-delà du printemps, donc très actif, comme j'ai pu le décrire, c'est une espèce migratrice qui va donc passer beaucoup de temps sur la route, dans les airs. Il faut savoir que le rossignol philomèle, il part du sud de l'Europe, sans doute par l'Espagne. Il va traverser le Sahara ou suivre la côte ouest de l'Afrique. Il va rester en Afrique de l'Ouest, pour ce qu'on sait, au moins cette sous-espèce. Le progné, lui, peut partir de Scandinavie, traverser plutôt par la voie est, donc de la Méditerranée. Et on retrouve donc des progénés qui vont se retrouver aussi loin que la corne de l'Afrique du Sud. Alors que c'est des tout petits oiseaux. Et ils traversent l'Europe, l'Afrique. Donc là, on est encore sur une autre grande aventure pour ces oiseaux-là, qui est une très longue migration, très périlleuse. Énormément de ressources. Ils doivent prendre le maximum d'énergie avant de partir. Et après, donc, au fil de la migration, ils devront trouver des territoires où la nourriture vient d'arriver avec les grands fronts de nuages qui vont... on va dire, faire sortir la végétation, faire sortir les insectes. Et une grande partie de leur vie sera donc un vagabondage comme ça vers l'Afrique. Ce qui est intéressant pour nous, donc si on reste dans une optique de comportement, une optique de champ, c'est qu'on s'est rendu compte, on le savait en général, on ne l'a jamais vraiment, vraiment étudié, la plupart des oiseaux migrateurs qu'on connaît chez nous qui chantent continuent d'une certaine manière de chanter en Afrique. Et c'est quelque chose qui quelque part, n'avait pas vraiment fait l'objet d'études. Sans doute parce que la plupart... malheureusement ou pas, la plupart des scientifiques, en tout cas de l'ancienne tradition, venaient de l'Europe, bien sûr, et connaissaient vraiment les oiseaux dans notre terroir comme tel. Ce que ça change, en fait, c'est que l'idée de fonction, la question d'évolution est toujours présente, à savoir si les oiseaux chantent encore en Afrique. On se posait la question, d'accord, si le chant est similaire, mais que l'oiseau ne se reproduit pas. Oui, c'est ça. Donc ce ne serait pas du chant pour défendre du territoire ou pour trouver une femelle, puisque ce n'est pas cette saison-là qu'ils le font, normalement. Il y a pas mal d'hypothèses pour l'instant, ça reste assez nébuleux pour beaucoup d'espèces. Le territoire, ce n'est pas forcément une option qui est logique, comme on connaît les rouges-gorges en Europe. Les femelles font ça, même chez nous. Mais ce qu'on voit là-bas, en fait, c'est que le comportement change énormément. Donc effectivement, on peut tomber sur plusieurs oiseaux qui chantent dans le même buisson. C'est quelque chose d'assez étrange. Et en particulier, en fait, le chant, pour quelqu'un qui a l'habitude en tout cas de l'entendre, va être un peu distordu, un peu étrange, comme si l'oiseau manquait des notes, comme si l'oiseau était un peu groggy. Alors du coup, peut-être qu'on peut écouter un petit peu à quoi ressemble le chant du rossignol enregistré en Tanzanie. Il y a ce côté très pétillant un peu qu'il n'y avait pas dans les extraits qu'on a eu avant. Hein. Plus crépitant. Ouais, ouais, crépitant. Alors bien sûr, il faut les entendre en parallèle pour un peu se rendre compte. Ce qui apparaît clairement, qu'on voit le côté visuel, donc on fait des sonogrammes en fait à partir de ces sons-là. C'est-à-dire que ça va juste comme une partition de musique, il faut imaginer. On va avoir un axe avec la fréquence, donc les sons aigus en haut, les sons graves en bas. Et c'est au cours du temps, on a des petits hiéroglyphes de chansons qui vont apparaître. Et on voit donc la régularité notamment, c'est ce qui fait ce crépitement. La trille finale, si vous voulez, du progné, qui est assez caractéristique, très régulière, très rapide en général, va totalement être un peu déconstruite. Donc il y a des pauses dedans, les clics en fait de ce son-là sont plus du tout de la même hauteur de fréquence. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres, bien évidemment. Donc en gros, la caractéristique majeure des chansons qu'on va retrouver là-bas, c'est effectivement ce manque d'organisation. Donc celle-là est organisée d'une telle manière qu'on reconnaît encore le progné. La plupart des chants, plutôt dans la saison, seront totalement, donc, ce qu'on appelle plastique, c'est-à-dire très très variables, au point que la syntaxe disparaît un peu. On a donc des suites de notes qui ne sont pas vraiment intelligibles, en tout cas pour nous. Donc il faut vraiment connaître l'espèce pour la reconnaître. On imagine pour l'oiseau aussi, donc finalement la fonction doit être un peu perdue quand même. Et d'un autre côté, même quand la syntaxe est un peu bonne, l'oiseau ne sont pas capables, en tout cas ne fait pas l'effort de répéter les syllabes régulièrement. Donc on a une musique dissonante, tout simplement. Et donc ça, ces chants dysfonctionnels, finalement, c'est parce que l'oiseau n'a pas encore appris son chant définitif? Ce sont des jeunes oiseaux qui produisent ce type de chant? On n'a pas la réponse exacte, mais c'est effectivement l'hypothèse la plus séduisante, en tout cas pour l'instant. On voit aussi, bien évidemment, chez 2-3 autres espèces, ce manque de régularité. Et en fait, ça correspondrait très élégamment avec ce qu'on peut faire sur la captivité. Donc on a les mêmes phases en fait, de développement de l'oiseau jeune, les premières en fait vocalisations de l'oiseau qui vont correspondre en fait exactement à cette espèce de gradualité entre une grande plasticité, une grande désorganisation, et petit à petit aller vers une syntaxe qui marche, petit à petit aller vers des chants de plus en plus mieux définis. Et donc ça a été fait chez le Philomel en captivité notamment, en Allemagne. Et c'est très intéressant donc de voir toutes ces petites étapes, en plus avec le parallèle, comme on parlait plus tôt, donc en neurologie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'évidemment, dans la nature, en tout cas en Europe, c'est pas quelque chose qu'on observe vraiment, parce que c'est des phases de vie où l'oiseau commence à migrer, où l'oiseau est en Afrique. Et donc, pour le coup, chez le Progné, ça a été montré très récemment, où l'oiseau semble effectivement... Après, il y a d'autres idées qui peuvent se rajouter. On posait la question de l'âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment capturé les oiseaux, on n'a pas essayé de voir ces choses-là. C'est faisable, hein, bien sûr. J'espère que ça sera fait bientôt. Mais l'idée, c'est qu'il y a des oiseaux à la même période, on va dire février-mars, qui chantent des chants totalement désorganisés, vraiment... En bazar. Vraiment, vraiment risibles. Si on a un peu d'humour qu'on est habitué à certains chants d'oiseaux. Et d'un autre côté, il y a des oiseaux qui semblent déjà maîtriser une syntaxe, qui semblent déjà faire des choses un peu pas aussi bien, pas aussi régulières qu'en période de reproduction, mm-hmm. où il y en a quand même. Donc, on pourrait supposer effectivement que même les plus vieux oiseaux, s'ils sont en effet capables de réapprendre des nouveaux chants, se lanceraient sans doute aussi dans une phase d'expérimentation, un peu de renouveau. Voilà, de chanter un peu peut-être les nouvelles chansons, peut-être renouveler leurs chansons à eux, ajouter des petites modifications, parce que comme un langage, en fait, ça évolue aussi bien sûr au cours des années. Se mettre à la tendance. Oui, c'est possible. Eh bien, super. Plus qu'à souhaiter maintenant que les chercheurs s'intéressent aussi à ce qui se passe en dehors de l'Europe. C'est ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup, Adèle, de nous avoir éclairé sur les mélopées du rossignol. On vous chante tous nos encouragements pour la fin de la thèse. Merci à vous. Et on finit, comme d'habitude, avec un conseil de lecture. Pour clôturer cette émission, je vous propose, comme à mon habitude, un album documentaire. Il s'agit de Parade, au pluriel, de Frédéric Clément, publié aux éditions du Seuil Jeunesse. Cet album de 34 pages, tout illustré par les très belles peintures de l'auteur et les incrustations très ludiques de l'agence Okidokid, présente, comme lors d'une représentation exceptionnelle d'un spectacle unique, les prouesses de plusieurs animaux en pleine démonstration de séduction. Il y en a pour tous les goûts. On y trouve la danse de l'araignée Pan, l'acharnement du jardinier satiné à monter son arche de branchage et à collecter tous les objets bleus à sa portée, les rosaces finement tracées dans le sable par le poisson globe pour attirer sa partenaire, le brame du cerf, le balai des lucioles ou l'étreinte des hippocampes. Les textes sont courts, poétiques et instructifs, on se divertit tout en apprenant. Un très beau livre parfaitement équilibré entre amusement, rêverie et découverte. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepi.com. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.